ce cœur meurtri, chercher l'amour, le vrai, suivre le soleil. Trop de rêves et tant d'années que j'ai vu partir en fumée. Le film était trop long, je dois m'en aller, suivre le soleil. Sous mes pas, le temps sans regret, je laisse un cœur meurtri, je trouverai l'amour en suivant le soleil. Suivant le soleil.